Yes, it's possible. Because we are able to create. Thank you. Truc de fou. Donc comme des bandits à la langue bien pendue. Nous étions attendus par le ciste. Sous nos yeux, l'horreur du monde. My invisible committee is here. Yeah, my mother. Yeah, my sister. Oh, my family. Rhizomatique, fondation. Family and friends, of course, and enemies. Our family. Around the world. Avec un peu de poésie, c'est possible aussi. À 4 heures du matin, comme Arthur Rimbaud, regardant les étoiles, faisant des associations célestes. N'oublions pas nos frères pendus à la langue bien pendue. Ce temps, tous ces siècles, depuis trop longtemps. guitare sonner. Thank you. problème. Monter sur l'autre. Tout petit, le temps. 20 ans à peine. Le sac fait par maman. La capitale. L'autre petit lieutenant n'a pas quitté son territoire. Aucun moment de vie, aucun échappatoire. Petit lieutenant s'assure, flingue à la ceinture. Mais ouais, parce que la situation est chaude, la situation va péter. Face à face. Petit lieutenant, yeux dans les yeux. Pas la même génétique. Pas les mêmes déterminismes. Envoyé dans les airs. L'un comme l'autre. Pour servir le système. Comme sur un tapis vous. We'll be right back. Fragile. Et du calme.